fiesta latine se voile en voulant se prendre pour une autre blonde. Reine du bal, séduit le grand monde. Sakura du mal, elle triche et parle sous ses pas de bal, se cache les bombes. Son idéal, c'était les colombes. Ne reste que le blanc de l'animal, coloris vital à chaque seconde. Reine du bal, on part à la ronde. Elle tourne et s'emballe, oublie nos râles quand on crève encore sous sa robe longue. Elle ne parle que de son essor, ses piliers qui l'embrasent. Par le blanc et le junior, elle se croit belle, mon Dieu, quelle est nage. Quel est le sort de ceux qui vivent et s'engagent? Ce sont les meilleurs. Sans égal, donneuse de leçons. Elle charme et régale, le bon coup parle, mais le dernier craque au mur des salons. Reine du bal, aimée du grand monde. Élève ton voile, tout est si